Voici votre bulletin régional. C'est le 22 mai à 19h que le musée d'Itincorner tiendra son assemblée générale annuelle à l'édifice de l'église du musée. On invite les membres et autres personnes intéressées. Conférencière invitée, Jody Robinson du Eastern Township Resource Center. Le service de loisirs de Hamden requiert les services d'une animatrice ou d'un animateur pour le service d'animation estivale Scottstown Hamden. Le poste s'adresse à une personne âgée de 15 à 30 ans au début de l'emploi. Être aux études présentement et poursuivre des études l'an prochain. Être citoyen canadien ou résident permanent. Durée, du 6 juillet au 21 août 2015, 35 heures semaine. On doit envoyer son CV avant le 22 mai au bureau municipal de Hamden ou à l'hôtel de ville de Scottstown. Information auprès de Valérie Prévost au 819-657-4752 ou de Lynn Christensen au 819-657-1093. Le 22 mai est la date limite d'inscription au service d'animation estivale et au cours de natation à Istengis. Souper bénéfice de la Fondation Pauline Baudry à 18h à Istengis. Information à 819-574-0251. La relève du Haut-Saint-François tient une activité mijoton à dos au Centre culturel de Istengis le 23 mai. Inscription ou information à facebook.com/relève-hsf, par courriel à la-relève-hsf@hotmail.ca, par téléphone au 819-86-1508.